La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous entendrons ce matin le dernier cours que Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale au Collège de France, consacre cette année à Apollonius de Tyr, l'inceste révélé et le roman volé. Il s'agit en effet d'un roman d'aventure et d'amour, mais surtout, l'intrigue, quelles que soient les versions, s'ouvre sur une histoire d'inceste réalisée entre un père et sa fille. Michel Zinc a repris pour ce cours les questions de l'origine grecque du roman, ses traductions latines et vernaculaires, sa diffusion et ses variantes, et bien entendu en a comparé les différents contenus en les commentant. Mais ce matin, il insiste sur la rareté des incestes réalisés dans les textes médiévaux. On sait que l'interdit de l'inceste au Moyen-Âge était très élargi, non seulement à la parenté la plus lointaine, mais jusqu'au concile de Latran, il s'étendait également à la parenté symbolique, comme par exemple la parenté baptismale. C'est pourquoi Michel Zinc évoque ce matin les rares textes qui traitent de l'inceste réalisé, et notamment dans les ouvrages hagiographiques, comme la vie du pape Grégoire, ou encore la vie de saint Alban. La vie de saint Alban est relativement peu connue, malgré un article d'ailleurs peu diffusé de Guillaume Brichon, qui parle de la courte vie latine, mais qui paraît curieusement ignorer la version franco-italienne qui a été éditée assez récemment et qui est beaucoup plus importante et plus étrange. Et cette vie de saint Alban nous rapproche davantage d'Apollonius parce que si la vie de Grégoire le Pape présente des analogies de détail avec le naufrage d'Apollonius à Cyrène, par exemple, la vie de saint Alban offre une parenté unique avec l'inceste d'Antiochus, si je puis dire. Voilà ce que cela raconte. Un empereur qui est veuf sait prendre sa fille et il a d'elle un fils. L'empereur veut faire disparaître cette trace de leur crime, veut tuer l'enfant, mais sa fille obtient que l'enfant, qui est le futur saint Alban, soit envoyé au loin avec un signe de reconnaissance. Il est recueilli et élevé comme leur fils par le roi et la reine de Hongrie qui n'ont pas d'enfants. Les années passent et plus tard, pour des raisons politiques, on marie cet enfant à la fille de l'empereur. Les années passent à nouveau, le roi de Hongrie sur son lit de mort révèle à Alban qu'il n'est pas son fils et lui remet l'anneau et la bourse qu'on avait trouvés sur lui. Quand elle les voit, sa femme, naturellement, comprend que son mari n'est autre que son fils. Et alors, désespoir, et après la mort du vieux roi de Hongrie, Alban, sa femme, qui est donc sa mère, et l'empereur, qui est à la fois son père et son grand-père, décide d'aller consulter un ermite dans la version latine, d'aller en pèlerinage, je crois, à Saint-Jacques, dans la version franco-italienne. Au retour, ils doivent passer la nuit dans une forêt. L'empereur et sa fille s'endorment au pied d'un arbre, Alban dans les branches de l'arbre. Au milieu de la nuit, Alban se réveille et voilà-t-il pas qu'il voit que les deux autres ont recommencé, qu'ils sont en train forniquer au pied de l'arbre. Furieux, il y a de quoi tout de même, hein. Il descend de l'arbre et il les tue. en proie au remords, remords de l'inceste, remords du double crime, du parricide et du matricide, il se fait ermite sur ce lieu même. Il y passera le reste de ses jours et deviendra saint Alban après qu'un miracle aura montré qu'il est pardonné. Alors, au-delà des simples motifs narratifs qui, eux, sont éloignés, on a une véritable parenté avec Apollonius de Tyre. L'inceste est consommé entre le père et la fille. La fille est victime, mais finit par être coupable. Dans Apollonius de Tyre, son père la viole et elle est désespérée, mais ensuite, elle semble s'habituer à la situation et ils sont punis tous les deux par le ciel. Dans la vie de saint Alban, elle est désespérée par le viol, elle est désespérée en constatant qu'elle a le double inceste, qu'elle a ensuite épousé son mari, mais ça ne l'empêche pas de commettre véritablement, cette fois-là, une faute consciente en retombant dans le péché avec son propre père et après avoir été en pèlerinage ou avoir vu un ermite. Donc il y a à la fois un redoublement de la faute et une sorte de surdétermination du péché. Alors, évidemment, le second inceste, l'inceste mère-fils, est absent de l'histoire d'Apollonius, mais cet inceste est comme la matérialisation dans l'outrance du désir interdit d'Apollonius pour la fille d'Antiochus. Et du coup, l'énigme d'Antiochus pourrait s'appliquer à Alban. On peut vous rappeler d'ailleurs que dans de nombreuses versions vernaculaires, Apollonius n'est pas un inconnu pour Antiochus. Apollonius demande à Antiochus des nouvelles de ses parents. Dans la version de Vienne, Antiochus est l'oncle d'Apollonius et l'usurpateur du trône d'Antioche dont Apollonius est l'héritier légitime. La tendance de ces versions est donc de rapprocher Apollonius d'Antiochus, de faire en sorte qu'ils ne soient pas des étrangers l'un à l'autre, et donc de faire en sorte qu'Apollonius et la fille d'Antiochus ne le soient pas non plus. Dans la version de Vienne, Apollonius va épouser sa cousine. En cela, Apollonius de Tyre et l'abbé de Saint-Alban se distinguent tous deux totalement du modèle de Podane, qui est celui qui, au Moyen-Âge, et d'ailleurs à l'époque ultérieure, a le plus grand succès. En effet, non seulement dans le type Podane, le roi incestueux ne parvient pas à ses fins, mais encore, au terme de son errance, la princesse épouse un jeune prince qui lui est totalement inconnu et étranger, et qui, de son côté, ignore son identité. Ignore tellement son identité que cela provoque généralement, on le sait, un rebondissement de l'histoire et de nouvelles épreuves pour la malheureuse héroïne qui est en butte à l'hostilité, soit des jaloux, soit généralement de sa belle-mère, la mère de son mari, d'une tante dans le roman du comte d'Anjou, enfin de quelqu'un de la famille de son mari qui n'admet pas ce mariage exogamique à l'extrême. Et au reste, ce type n'est peut-être pas sans lien, au fond, avec la vie de saint Alban, parce que la plus ancienne version médiévale du type Podane, la vie d'Offa Ier, Vita Offae Primi, a sans doute été écrite au monastère de saint Alban, monastère anglais de saint Alban, à la fin du XIIe siècle, monastère très important dans l'imaginaire national, ensemble, et religieux de Grande-Bretagne. Mais la vie de saint Alban anglo-normande qui existe ne correspond pas au récit que vous ai résumé. Saint Alban, il est selon la tradition connue, le grand évangélisateur de l'Angleterre, et puis c'est tout. Reste, malgré tout, l'essentiel, le type Podane évite l'horreur, alors que le type Grégoire le Pape saint Alban s'y complaît et qu'Apollonius de Tyre n'élude pas l'horreur, mais la repousse. Plus les préoccupations religieuses sont présentes, plus grande est l'horreur, plus sombre le péché. Plus le récit est un récit hagiographique, plus l'horreur de l'inceste est présente. Apollonius, qui a une coloration de récits édifiants sans être vraiment une légende hagiographique fait une place à la consommation de l'inceste, mais le repousse, et lorsque ce sont vraiment des récits hagiographiques, le saint lui-même, ou le personnage saint, commet l'inceste. Et c'est une tendance que confirment d'autres récits de l'inceste consommé. La bourgeoise de Rome, qui devenue veuve, prend l'habitude de dormir avec son petit garçon. Une fois que le petit garçon est devenu grand, ça tourne mal. Ou le comte, alors ça, il y en a toutes sortes de versions, dont une dans La Vie des Pères, et le comte araignée de La Vie des Pères, la nièce qui couche, enfin, qui devient la maîtresse de son oncle, qui en a trois enfants, qu'elle tue les jetant dans les latrines, enfin c'est une histoire épouvantable. Mais chaque fois, le personnage est rédimé à la fin, il y a une sorte de conversion et de miséricorde. Pas une sorte de conversion, une miséricorde. Autrement dit, on peut se demander s'il y a Polonius de Tyr, qui se trouve entre les récits religieux de l'horreur incestueuse et les récits profanes, pour autant qu'un récit médiéval puisse être profane, ces récits profanes de l'inceste évité, on peut se demander si Apollonius de Tyr ne devrait pas les lectures hagiographiques qui en ont été faites à la confrontation du héros avec l'inceste, à sa fuite rédemptrice, tout autant qu'aux tribulations qu'il endure. Ça ne devient pas un récit hagiographique malgré la présence de l'horreur, mais à cause même de cette présence. Avant de quitter l'inceste, un dernier rapprochement qui n'a sans doute rien à voir, comme les post-scriptum de Delphée de Thon, mais que le hasard vient de me mettre sous les yeux à l'occasion de la soutenance de thèse sur Claude Fauriel, une très belle thèse d'Elena Moshonkina. Et pendant la soutenance, ma collègue de Reims, Evangelia Stead, a attiré, qui est grecque elle-même, a attiré l'attention sur l'une des chansons grecques publiées par Fauriel, donc sous la Restauration, dans ses chants populaires de la Grèce moderne. Et c'est une chanson très poignante et très énigmatique, qui n'est guère résumable, qui n'a pas de vraie cohérence, ce qui fait sa profondeur, mais qui dit à peu près ceci. Donc de façon, cette façon comme ça, avec ses suspens et comme ses points de terreur, ses points de suspension intériorisés, la jeune fille doit voyager pour fuir, elle paye très cher son passage sur le bateau, sur ce bateau on attend à sa pudeur, elle s'évanouit, on la jette à la mer, elle est au fond de l'eau, au fond d'un puits, des jeunes gens en tirent son corps, il y a sur ses lèvres rouges une goutte de sang qui colore en rouge le monde entier. Alors vous me direz, ça n'a rien à voir ni avec Apollonius ni avec l'inceste. Et pourtant, que de motifs de l'historia sont ici présents et font l'objet d'une concaténation et d'une redistribution. La fuite, le voyage en mer, la mort apparente, le corps jeté à la mer. Mais ici, tout est rapporté à la virginité menacée et à la goutte de sang. L'inceste, peut-être pas, mais la violence sexuelle, oui, et de façon à mêler, à réunir sur ce personnage mystérieux des éléments répartis dans l'historia entre Apollonius, sa femme et sa fille. Alors, sur le versant opposé à l'inceste, il y a bien entendu l'amour, qui joue à vrai dire un faible rôle dans l'historia, mais que les adaptations vernaculaires, nous ne cessons de répéter, ont développé et qu'elles développent en lien avec la musique. Et nous avons déjà vu, là, je n'y reviens pas, que l'amour était certainement développé dans le roman français du XIIe siècle, que c'est certainement à partir de ce roman qu'Apollonius de Tyr a eu un tel retentissement chez des poètes intéressés au premier chef par l'amour, comme les troubadours, les auteurs des Cervantes Enseñamen que nous avons vus, etc. Et que l'on songe au développement, et là aussi, bon, je vais sauter ce que j'avais prévu parce que ce sont des choses qui sont très bien connues et qui nous entraîneraient un peu loin, que l'on songe au développement amoureux, auquel j'ai déjà fait attention, allusion, dans ces tout premiers romans français. Je vous ai parlé du roman d'Énéas, à peu près 10 000 vers, et là-dessus, 1 500 vers consacrés aux amours d'Énée et de Lavinie qui n'existent pas du tout dans l'Énéide, où le mariage est purement politique. Lavinie voit Énéas en tombe amoureuse, mais elle est tellement innocente, cette petite, comment savoir que ce qu'elle éprouve est l'amour? Oui, elle le sait, car imprudemment, sa mère lui avait donné la veille une leçon d'amour. Sa mère a creusé sa propre, enfin, propre tombe, si je puis dire. Sa mère a peur qu'elle tombe amoureuse d'Énéas, donc lui explique ce qu'est l'amour en l'invitant à aimer Turnus, à qui elle est destinée. Alors, l'amour se manifeste comme ceci, comme cela, on est malheureux, mais on a envie de, on ne veut pas guérir de ce mal, on rougit, on pâlit, on désire voir l'être aimé, on le redoute, etc. Et grâce à ces renseignements, Lavinie, troublée à la vue d'Énéas, compare et se dit « mais c'est exactement ce que m'a dit ma maman, c'est donc l'amour, j'aime Énéas ». Et puis ensuite, elle passe par des sentiments contradictoires. « Est-ce que je l'aime ?» Oui, alors long développant, non, n'est-ce pas, avec une sorte de rhétorique un peu appuyée dans ce roman encore peut-être un peu gauche. « Dois-je lui avouer mon amour ?» Oui, alors 50 vers sur le « oui ». Non, 50 vers sur le non. Puis finalement, naturellement, elle lui m'aimera-t-il en retour? Oui, non, etc. Elle finit par avouer son amour à sa mère, qui est naturellement furieuse, et elle n'ose pas prononcer le nom d'Énéas. J'ai cité ce petit passage dans mon abécédaire, et parce qu'elle épelle. Elle n'ose pas dire Énéas, alors elle épelle les lettres. Elle dit d'abord « et », puis elle s'arrête longuement, et puis « ne ». Et puis après, as. Alors la mère dit, et ne as? Mais ça fait Énéas. Eh oui, c'est lui. Mais elle l'avait nié parce que la seconde syllabe, c'est ne, c'est la négation. Fureur de sa mère, elle fait parvenir à une lettre à Énéas attachée à une flèche. Émotion et amour d'Énéas à son tour, inquiétude, incertitude, insomnie. On a l'impression qu'Énéas a 14 ans alors qu'il est veuf et père d'un grand garçon. Enfin, il sait ce que c'est et finalement ils échangent un sourire. Tout va bien au bout de 1500 vers. Invention du roman. Donc Cligès de Chrétienne III, qui est, vous savez, à demi un roman arthurien, à demi un roman byzantin, Alexandre et Sordamor analysent ainsi leurs sentiments et se torturent dans l'indécision et les scrupules. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il ne va pas m'aimer? La même chose pour lui et elle, etc. Alexandre est dans la chambre des dames, il y a la reine Guenièvre, Sordamor, etc. Il voudrait bien se déclarer, il n'ose pas, alors dit j'attends encore 5 minutes, je me déclarerai quand elle se lèvera, quand il se passera ceci. Et puis finalement, elle quitte la pièce et il a laissé passer l'occasion. Et ça recommence à la génération suivante avec Phénice, qui tombe amoureuse de Cligès et qui a besoin de l'assistante de sa nourrice Thessala pour découvrir que Thessala est magicienne et guérisseuse. Alors Phénice est malade, elle lui explique son mal. « Ah, mais ce mal, c'est le mal d'amour. Et comment le sais-tu, ma nourrice ? Parce que vous m'avez dit que à la fois vous étiez très malade et que vous ne vouliez pas guérir. L'amour est le seul mal dont on ne veut pas guérir, etc. » Alors, même développement dans Apollonius. Et là, vous me permettrez pour la dernière fois de faire des petites lectures. Voilà, d'abord, l'amour naissant de la princesse de Cyrène, dans la traduction littérale, qui est vraiment littérale, et qui me dispense de citer et de traduire le texte de l'Historia. Alors, donc, scène, le banquet à la cour de Cyrène. On demande qu'il le roi exhortait ainsi Apollonius à se réjouir, une ancienne fille vient soudainement, qui encore était vierge, mais en âge était pour être mariée, et baisa son père et tous ses amis, et ce qu'il a été, et ce fait, elle demanda à son père, « Sire, qui est ce jouvencel qui se sied si honorablement à votre table, à une place si honorable, et fait si triste chair en ayant douleur je ne sais de quoi ? Le roi lui répondit, ma douce fille, il est naufragé. Alors là-dessus, la scène que nous avons déjà lue, où la jeune fille interroge Apollonius. Ah donc, il lui raconta toutes ses aventures, et quand il eut fini, il commença à pleurer. Et quand le roi le vit ainsi pleurant, il regarde sa fille et lui dit, fille, tu as fait péché, car en tant que tu as voulu savoir de lui ses aventures, tu lui as renouvelé ses anciennes douleurs, mais je veux que tu lui donnes ce que tu voudras. Alors, elle promet à Apollonius de l'enrichir et scène de la musique. Alors, Apollonius joue à son tour de la musique. Quand la pucelle vit qu'il était ainsi parfait en tous arts et en toute étude, elle fut enflammée de son amour. Et alors, à ce moment-là, elle demande à son père de le combler d'or. Et puis ensuite, elle dit, mais avec toute cette fortune sur lui, il ne faut pas le laisser partir tout seul dans la nuit. Il n'a qu'à coucher à la maison, ce qui se fait. La pucelle ne dormit donc toute la nuit, tant était éprise de l'amour du jovencel, elle fut navrée au cœur par le chant et le pleur qu'elle lui avait vu faire, et ne pouvait durer pour hisser l'amour. Au plus matin, donc c'est là l'inspiration d'Énéide, elle se leva et entra dans la chambre de son père, et se assit auprès de lui sur le lit, et elle lui demande de faire d'Apollonius son maître de musique. Et puis, c'est à peu près tout. On voit seulement, bon, petite réaction, quand Apollonius entre dans sa chambre. Dans la version de Bruxelles, alors évidemment ça m'oblige quelques lectures, je lis juste au début pour voir comment l'amplification prépare à l'amour dans la version de Bruxelles. Ainsi comme le roi exhortait Apollonius qu'il fît bonne chère, sortit de sa chambre Lucienne, sa fille, donc elle s'appelle Lucienne à cause de Lucina, vous savez ce contresens dont nous avions parlé, et grand planté de demoiselles avec lui. Elle était tant belle que tous ceux qui la regardaient étaient ébahis de sa beauté. La pucelle vint à son père à la table et le salua et tous les autres fit autre telle. Quand elle vit Apollonius, s'y le regarda, car il était à merveille beau et gracieux, et lui plus moult, et l'en ama tantôt aussitôt à son cœur, trop durement. Elle s'en revint tantôt au roi son père et lui dit, « Cher père, qui est ce beau Juvencio que vous avez si noblement assis en contre-vous, et s'il me semble qu'il ait pleuré ?» Alors vous voyez, ça change tout, parce qu'elle commence par être amoureuse. Dans l'Historia, elle entre et elle est curieuse en voyant le jeune homme, mais pose une question, et c'est seulement après qu'Apollonius a chanté qu'elle en tombe amoureuse. Là, elle en tombe amoureuse immédiatement, et on le dit, de sorte que tout le dialogue qui suit est un dialogue non pas innocent, mais faussement innocent. Et elle est déjà cette sorte de fine mouche qui, l'air de rien, demande, mais qui est ce jeune homme? Elle dit quand même, ce beau jeune homme, etc. Non. Alors le roi s'explique, et la pucelle perçut bien aux paroles du roi que le jouvenceau lui plaisait bien, et si en fut moult lie, elle en fut très joyeuse, et l'aima plus que devant. Elle est déjà tombée amoureuse, et le roi innocemment renforce son amour en montrant l'estime qu'il a pour Apollonius. À ce moment, elle se sent comme autorisée à l'aimer, puisque papa le trouve si bien, allons-y. Je ne peux pas évidemment tout lire. Chaque fois, cette notation mise dès le début que, au premier regard, elle est tombée amoureuse d'Apollonius, influe sur le comportement ultérieur de la jeune fille. Mais surtout, il y a un très long passage entièrement ajouté par la version de Bruxelles, un passage humoristique, une sorte de leçon d'amour demandée par cet élève maligne à un maître Benet, dont elle essaye de se faire entendre et qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre. Et on a là une sorte de déplacement dans les romans que je vous ai cités, Énéas, Cligès. Ça se passe entre mère et fille, ou entre la jeune fille et sa gouvernante, ou sa nourrice. Mais là, elle a un professeur masculin, de sorte qu'elle peut s'adresser à lui comme à la personne d'autorité qu'il a en charge. Comme ailleurs, elle s'adresse à sa mère ou à sa nourrice, mais il se trouve que c'est un homme et que c'est lui qu'elle aime. Et donc, toute la scène a un piquant qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, c'est dans la version de Bruxelles, mais il est bien possible que ça vienne déjà du roman en vers. Donc, ainsi demeura Apollonius à la cour jour et nuit, et apprit la pucelle, il apprit à la jeune fille grande partie de ce qu'il savait. Et la pucelle apprenait moult bien, mais souvent advenait qu'elle entendait plus à son maître regarder que à sa leçon. Si qu'il advenait qu'elle ne pouvait répondre à ce qu'il lui demandait, et pourtant elle le savait bien. Apollonius s'en émerveillait, et l'en reprenait, et elle s'en excusait, et disait qu'elle avait telle maladie que nul ne savait que elle. Elle avait une maladie qu'elle était seule à connaître. Et si vous fussiez si sage que je cuidais, que je croyais, vous perçussiez bien ma maladie, dit-elle à son maître. Certes, dit-il, je ne sais ce que vous avez. Se pouez-moi, j'en suis triste si vous avez chose qui vous grève. Et cuidait Apollonius que ce fut l'imal que les femmes ne peuvent éviter. Mais le lièvre gisait en autre buisson. Ça me venait à croire qu'elle est indisposée, mais pas du tout, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le lièvre gisait en autre buisson. Le mal la tenait ailleurs qu'en l'œil, et l'œil n'en était mis quitte, car les yeux voyaient souvent ce qu'ils désiraient, et ils ne le pouvaient, et ne le pouvaient avoir. Mout de semblant d'amour lui montra la pucelle. La jeune fille lui fut beaucoup démonstration est trop dire, une attitude qui laisse entendre qu'elle est amoureuse. Et mout de semblant d'amour lui montra la pucelle, mais onc ne s'en aperçut, car il n'osa penser à nul fuir qu'elle le daignât aimer. Et elle en nissait du sens, et elle ne lui osait rien dire. Un jour advint qu'ils étaient ensemble, en leur étude, si dit la pucelle, « Maître, on ne doit pas apprendre toujours d'une, on ne doit pas apprendre toujours la même chose, il faut changer de matière. Je vous prie que vous m'appreniez un peu d'amour. »« Volontiers, dit-il, je vous en aurais appris à deux mots, en deux mots, de tout ce qu'il est. On doit aimer Dieu de tout son cœur, et de toute sa force, et de tout son pouvoir, et son prochain comme soi-même. Et celui qui peut faire cela, il est parfait. Maître, dit la pucelle, c'est pas ça que je vous demande, mais je suis une jeune fille et fille de roi. Si un homme requérait de mon amour, apprenez-moi comment je devrais lui répondre. Volontiers, dit-il, pour que vous sachiez la folle amour, éviter la folle amour et répondre courtoisement. Si quelque gentilhomme, qui que soit bien digne de vous avoir, vous requiert de votre amour, et votre cœur ne s'y adonne pas, ou votre cœur est octroyé ailleurs, vous lui devez en cette manière répondre. Beau sire, si vous m'aimez, grand merci, mais sachez, mon amour, vous ne l'aurez pas, car je ne veux aimer ni vous ni aucun, mais j'attendrai la volonté de mon père et ferai par son conseil. Et s'il disait, demoiselle, si je savais votre volonté, je en ferais parler à votre père, vous lui devez dire, certes, sire, onc à mon père d'en parler, vous en perdriez vos peines, car je ne serai votre ami, jamais votre ami, ni votre épousé. Donc, si elle est vraiment acculée dans ces dernières tranchements, elle doit répondre. Alors, d'autres solutions, ou bien, si vous l'aimez, vous devez répondre comme ceci et comme cela. Alors, ça dure un moment. Maître, dit Lucienne, à ce que je vois de vous, vous savez mout d'amour. Et je crois que si vous aimiez par amour, que vous les sauriez bien maintenir à leur droit. Mais vous ne m'avez pas encore appris ce que je veux savoir. Quoi, dit-il, je vous le dirai. La pucelle dit, vous savez bien qu'il advient parfois qu'une pucelle aime celui qui ne la requiert pas, et elle y met son cœur tellement qu'elle ne l'en ôterait pour rien au monde. Si vous prie que vous m'apprenez, ce il en était ainsi de moi, et s'il, que j'aimerais, ne s'en apercevait pas, comment je lui ferais savoir par honneur? Car vous savez que ce n'est pas coutume que les demoiselles requièrent les hommes. C'est vrai, dit Apollonius, je vous le dirai. Vous devez, à celui que vous aimez, montrer semblant, bellement et simplement, ou par regard, ou par autre chose, par quoi ils s'en aperçoivent. Quand vous voyez qu'il s'en aperçoit, que vous le regardez volontiers, vous lui devez donner ou envoyer quelques joyaux, particulièrement de ceux que vous avez portés, comme votre ceinture ou votre couteau, ou autre chose, car ce sont les choses par quoi il se pourra le plus tôt apercevoir, et s'il n'en s'en aperçoit pas, il est vraiment trop niais. Bon. Maître, dit la pucelle, en ce point, vous n'en savez pas autant que je voulais. Or, dites-moi, si celui que j'aimerais ne s'en apercevait ni par mes semblants, ni par mon doux parler, parce que, peut-être, il ne serait pas mon égal, et qu'il n'oserait pas penser que je le daignasse aimer, comment pourrais-je lui faire sentir ? De cela, dit Apollonius, ne parlez pas, car vous ne devez pas penser à mettre votre cœur en celui qui ne serait pas à votre honneur et à l'honneur de vos amis. Alors ne m'en demandez pas plus. Maître, dit la pucelle, je ne le demande que pour apprendre toute chose. Je vous dirai tout, dit-il. Si celui à qui votre cœur est à donner, etc., alors là, elle doit le repousser. Et il conclut en disant, c'est le meilleur tour que je connaisse, comment se débarrasser de l'amoureux qui n'est pas digne d'elle. Certes, maître de la pucelle, vous dites, parlez-vous très bien, et vous m'apprenez comment je dois répondre s'il me parle, parce que il me semble, oui, et apprenez-moi maintenant comment je dois lui répondre s'il me parle, parce que je n'aurai pas le courage de lui résister. Alors, il lui explique, etc., et bon, ça dure encore un moment, excusez-moi, c'était déjà trop long, mais vous voyez que chez cet auteur de la version de Bruxelles, il y a donc à la fois le développement de quelque chose qui est en germe dans l'historien, mais qui n'est absolument pas développé par le roman latin, que le roman latin ne paraît pas apercevoir, et qui ici est mis en valeur exactement dans l'esprit et avec l'esprit qui est celui de ces romans du XIIe et du XIIIe siècle, avec cette attention aux subtilités de l'amour et avec cette sorte d'humour et d'attendrissement devant les émois juvéniles d'une jeune fille. C'est quelque chose de très caractéristique et en même temps de très très enlevé, quelque chose qui n'est pas indigne de chrétien. Mais bon, mais vous voyez, on ne peut que, pardonnez-moi, c'est quelques mots plats sur un texte qui n'est pas du tout. Je reviens pour finir, car je suis obligé de courir un petit peu la poste, je reviens au trait qui, nous l'avons vu, plus que tous les autres. Et je pourrais revenir aussi sur la question de la musique et du lien de l'amour et de la musique, mais j'avais tellement anticipé dans mon tout premier cours, rapprochant pas du conseiller Crespel ou de Massimiliadoni ou de choses comme ça, que je n'y reviens pas et que je ne fais pas non plus les citations parce que celles que j'ai faites étaient déjà longues. Et je passe à ce trait dont nous avons aussi déjà parlé, qui, plus que tous les autres, ne prédisposait pas Apollonius à occuper une place aussi importante dans l'univers romanesque du Moyen-Âge, univers qui est celui de la chevalerie. Comme les autres héros des romans grecs, Apollonius n'est pas un combattant, nous l'avons déjà dit, proscrit et menacé de mort par Antiochus, il ne sait que s'enfuir, il gagne le cœur et la main de la princesse de Cyrène comme son professeur de musique, jamais on le voit les armes à la main. Et je reviens ici d'un mot sur quelque chose que j'ai été amené à dire à la fin du séminaire de la semaine dernière, après l'exposé de Jean-Jacques Vincent Zigny, et que je redis pour ceux qui n'étaient pas au séminaire. Quand on lit l'historien Apollonie Régistiri elle-même, il est difficile de savoir quel est le véritable statut d'Apollonius. Est-il vraiment roi de Tyr ? Les habitants de la ville l'avouent pour leur souverain. Lorsque l'envoyé d'Antiochus arrive à Tyr et qu'il s'est enfui la nuit précédente en cachette, les habitants pleurent son départ comme le départ de leur roi, dont le départ les laisse orphelins. Devant le roi de Cyrène et sa fille, il fait valoir sa naissance royale. On lui offre le trône d'Antioche à la mort d'Antiochus. Donc, tout cela va dans le sens du roi de Tyr. Mais la rédaction R.A., donc la plus ancienne, comme nous savons, le présente comme « quidem adolescens locuples valde genere Tyrius », un jeune homme très riche, originaire de Tyr. Donc, on le présente comme un notable de Tyr, comme quelqu'un de très riche de Tyr. On ne dit pas du tout que c'est le roi de Tyr. Et la rédaction R.B., soucieuse de cohérence, comme on le sait, a bien vu que là, il y avait quelque chose qui était bizarre. au regard du contexte. Mais elle corrige en « quidem adolescens tyrius, patriae sui princeps, locuplex immenso ». Un jeune homme de Tyr, prince princeps de sa patrie, immensément riche. Mais le terme même de princeps est ambigu. Sous l'Empire, on utilise princeps pour désigner l'empereur. Mais princeps, c'est, ça peut être aussi un notable, quelqu'un d'important, ce n'est pas forcément le souverain du pays. La suite, d'ailleurs, montre que le roi Antiochus a le pouvoir de le proscrire et de le mettre à mort sans que nul puisse s'y opposer. Il est peut-être roi de Tyr, mais il doit s'enfuir de Tyr en cachette pour fuir la colère d'Antiochus. Il doit s'enfuir de Tarse. Antiochus règne aussi sur Tarse. Et il y a un détail qui est peu compatible avec la fonction royale et qui ne l'est plus du tout une fois que le roman est devenu un roman médiéval. C'est que donc il se montre généreux à l'égard des habitants de Tarse en les sauvant de la famine grâce au blé qu'il a emporté sur son navire en quittant secrètement Tyr. Mais ce blé, il ne le leur donne pas. Il le leur vend à prix coûtant. Il le leur vend sans faire de bénéfice. Donc c'est une conduite de marchand généreux, mais un roi donne, et particulièrement un roi médiéval. C'était un détail absolument inacceptable pour le Moyen-Âge. La largesse est la grande qualité aristocratique du Moyen-Âge. On n'est pas des marchands de tapis, on ne vend pas à prix coûtant, c'est pas la publicité à Auchan, c'est quand on est généreux, on donne. Et de toute façon, il n'est jamais question pour lui de se battre. Et cela, même donc dans l'Historia Apollonii telle que nous la lisons, et alors même que figurent déjà, même dans l'Historia Apollonii, quelques notations prémédiévales, si je puis dire. Par exemple, à la fin dans les dernières lignes du roman, Apollonius récompense le pêcheur de sirènes en faisant un comès, donc un compte. On est donc dans un état de société qui est déjà pratiquement médiéval. Mais tout de même, l'Historia ne transforme pas Apollonius en combattant. Il est à peine un roi et pas du tout un guerrier. Et c'est pourtant lui dont le Moyen-Âge va faire un de ses modèles romanesques. Alors, il ne faut pas faire semblant de s'étonner plus qu'il n'est nécessaire. Ça n'a rien de tellement étonnant. On considère Apollonius, naturellement à l'époque, comme un personnage historique. Et le récit de ses aventures comme un récit historique, le contexte des manuscrits, où il figure au milieu de chroniques, au milieu d'histoires de l'Antiquité, le montre. Bon. On sait que les plus anciens romans français prétendent à la vérité historique et se veulent l'adaptation en français des histoires de l'Antiquité. Donc on suit un mouvement général. C'est un héros historique de l'Antiquité qui devient un héros romanesque. Le fait que ce soit un héros hagiographique qui devienne un héros combattant et amoureux n'est pas non plus en soi tellement étonnant, parce que la frontière entre la géographie d'une part, le roman et surtout la chanson de geste de l'autre est extrêmement ténue. Et la chanson de geste et un peu plus tard le roman doivent beaucoup au Vide-Saint et pour une part en découle. Et le fait que Apollonius, qui ne fait pas la guerre, fait l'amour, eh bien, ça ne pouvait que plaire au premier roman français. Donc tout ça va de soi. Mais une chose est l'influence exercée par l'Historia sur le roman français à ses débuts, autre chose, sa transformation véritablement en roman français. Or, cette transformation ne pouvait se faire sans qu'Apollonius devint un chevalier. Le roman d'Apollonius de Tyr ne pouvait, il ne suffisait pas de le traduire. Il y a bien eu, d'ailleurs, les traductions littérales n'ont pas été très diffusées. Je vous ai dit que c'est un récit qui a eu beaucoup de succès sans produire une œuvre qui a eu un grand succès. C'est-à-dire qu'il y a eu des adaptations successives et chacune n'est contenue que dans un ou deux manuscrits. Mais les traductions littérales ont eu particulièrement peu de succès. Et plus on s'éloigne du texte, plus le succès est là. Et c'est bien naturel, sous sa forme d'origine, il ne pouvait pas, ce n'était pas un roman français. Il fallait qu'Apollonius devienne un chevalier, et toutes les adaptations vernaculaires, qui sont autre chose que des traductions littérales, modifient la trame de l'Historia de façon à conférer à Apollonius la gloire des armes. Et nous avons déjà vu comment, c'est facile, on imagine qu'il défend Tarse attaqué par Antiochus, Antiochus apprend qu'il est réfugié à Tarse, attaque Tarse, et du coup, il est le sauveur de Tarse, Tarse menacé par lui-même, les armes à la main. Et on imagine qu'il occupe à assiéger Antioche les 14 années que l'historien lui fait passer en Égypte. Nous avons déjà vu ça. Pourquoi 14 ans en Égypte, hors du contexte de l'Antiquité tardive? C'était totalement incompréhensible. Il y avait une solution toute trouvée. Dans les chansons de gestes, les sièges de 14 ans, c'est une bagatelle. Il va siéger Antioche pendant 14 ans. Et la version du manuscrit de Vienne est particulièrement inventive dans ce domaine et en profite pour renforcer la cohérence, il est vrai, défaillante du récit, en supposant qu'Apollonius est l'héritier légitime du trône d'Antioche, et il en est dépossédé par le régent Antiochus, son oncle, donc prétexte à une réflexion sur le bon et le mauvais gouvernement, thème très fréquent dans les romans de la fin du Moyen-Âge, et aussi, au début, une histoire à la Toison d'Or, si vous voulez, l'oncle essaye de se débarrasser du neveu héritier légitime, et on l'envoie affronter une aventure, une épreuve qualifiante, réputée impossible, affronter un chevalier ou un géant qui crache du feu. Donc ces efforts montrent à eux seuls combien l'histoire venait de loin et combien il était difficile de l'intégrer à l'univers médiéval. Mais ces efforts invitent aussi, et je termine sur ce rapprochement auquel j'ai fait sans cesse allusion, j'en viens à cette comparaison qui saute aux yeux entre Apollonius de Tyr et une autre légende qui a joué un rôle capital et à vrai dire beaucoup plus grand encore dans la naissance du roman européen, français, mais qui est elle aussi une légende marginale et comme décalée au regard des normes de ce roman, celle de Tristan et Iseut. Le rapprochement a été proposé et argumenté depuis longtemps, mais en particulier par Maurice Delbouille, de façon très argumentée, mais dans l'esprit d'une critique polémique des sources. Maurice Delbouille appartenait à cette lignée de médiévistes, de romanistes, qui nie ou minimise les substrats oraux, ou folkloriques, ou venant de mythologies non classiques, celtiques ou autres, dans la littérature française, et qui pense, comme dans la lignée de Farral, une façon plus modérée de Bédier, que il y a, derrière la littérature française du Moyen-Âge, la littérature latine, et puis c'est à peu près tout, la littérature latine classique. Et du coup, Delbouille utilise Apollonius de Tyr comme une machine de guerre pour montrer que derrière la légende de Tristan et Iseut, il n'y a pas, comme on le croit, une légende celtique, que Diarmaid et Graine ont bon dos, n'est-ce pas, et que Apollonius de Tyr explique tout, que Tristan et Iseut remontent à Apollonius de Tyr. Donc il aboutit à une démonstration finalement forcée et difficilement tenable, parce qu'il est difficilement soutenable qu'il n'y a aucune source celtique derrière l'histoire de Tristan et Iseut. Donc c'est un débat dans lequel il est inutile d'entrer. Et la recherche d'une filiation bien hypothétique de Tristan et Iseut à Apollonius de Tyr finit par faire oublier le simple fait qui lui est bien réel, qu'Apollonius et Tristan ont en commun un grand nombre de traits, et de traits essentiels. Et cela ne suppose pas nécessairement une filiation, ou... Enfin bon, les jeux d'influence sont toujours compliqués, on ne sait pas bien comment les choses ont pu se passer, mais c'est quelque chose qui donne à penser quant à l'idée que le Moyen-Âge se fait de ses romans et de ses héros romanesques, que deux des héros principaux aient des traits communs et des traits qui, à nos yeux, sont tout à fait marginaux, sont tout à fait atypiques à ce qui nous, au regard de ce qui nous paraît la règle ou la norme du roman médiéval. Quels sont ces traits? Eh bien, ils vont de soi. D'abord, précisément, ce ne sont pas d'abord des combattants. Pour Apollonius de Tyr, je viens d'en parler, ce n'est pas la peine d'y revenir. Pour Tristan, on peut dire, Tristan combat le Morholt. C'est bien à cause des blessures que lui a infligées le Morholt qu'il est abandonné sur le bateau qui dérive jusqu'en Irlande et qu'il rencontre Iseult. C'est indubitable. Bon. Mais ce combat premier est comme une préhistoire de l'histoire de Tristan et Iseult. L'histoire de Tristan et Iseult, c'est l'histoire de Tristan et Iseult. Le Morholt, c'est avant. Et une fois que l'histoire de Tristan et Iseult est devenue l'histoire de Tristan et Iseult, il n'y a pratiquement plus de combat, ou il n'y en a pas dans les versions premières. C'est par la suite, dans des développements plus tardifs, dans les suites de l'histoire, et naturellement dans le Tristan en prose, que Tristan devient vraiment un combattant. Mais le noyau de l'histoire, c'est la ruse et la fuite, et non pas le combat. L'argument central, ce sont les amours clandestines de Tristan et Iseult. Tristan ne songe pas à résister par la force au roi Marc. Quand ils sont découverts, ils se sauvent dans la forêt du Mont-Roi, et chez Béroul, qui est un roman de la peur, eh bien ce grand passage, c'est leur fuite perpétuelle. Ils n'osent pas coucher même deux soirs de suite au même endroit, même au fond de la forêt du Mont-Roi. C'est Gouvernail et non pas Tristan qui tue le premier des traîtres, qui lui coupe la tête, qui l'accroche à l'entrée de la hutte de Tristan et Iseult, et Tristan a peur en la voyant. Lorsqu'il tue les autres, il les tue non pas au combat, il les tue en fait par traîtrise, ce sont des guet-apens. Songez au dernier, enfin, il est dans la chambre avec Iseult. Iseult voit le reflet, enfin voit qu'ils sont épiés. Tristan s'en aperçoit aussi. Enfin, il bande son arc comme s'il s'exerçait, et puis il se retourne, toc, il décoche le coup et il le tue. Et il tue avec l'arc, qui n'est plus, sinon on n'est plus au temps de la chanson de Roland où l'arc et le gant sont les insignes du pouvoir. L'arc est une arme de chasse. Du temps de Tristan. Ce n'est pas une arme chevaleresque. Donc Tristan n'est pas en lui-même un combattant comme Apollonius. Mais comme Apollonius, on a bien dû en faire un combattant. Enfin, les deux récits ont exercé un mélange de fascination et de répulsion. Ça ne fait pas de doute. Les poètes lyriques ne cessent de se référer à Tristan, mais pour dire qu'ils aiment plus et mieux que lui, parce que lui y était contraint par le philtre, tandis qu'eux aiment librement. Chrétien de Troyes lui-même le dit dans une des deux chansons d'amour que nous avons gardées de lui. Chrétien, dont une des grandes préoccupations présentes dans Erec et Enide, dans Le Chevalier au Lion, est de réfléchir sur l'amour conjugal, une réflexion que la légende tristanienne ne pouvait que troubler. Et du côté d'Apollonius, nous avons vu cette réaction de Geoffroy de Vigeois, qui, au début, dans les premières lignes d'une chronique qui n'a rien à voir avec Apollonius, dit « il y a des textes horribles, on ne devrait même pas en y penser comme Apollonius, et pourtant on peut en tirer quelque chose, ce mélange ». Peut-être aussi avons-nous tort de nous étonner que le roman médiéval ait pu se nourrir de deux légendes d'où l'élément guerrier était presque absent. Et peut-être cette constatation devrait-elle au contraire nous inviter à nous interroger sur ce qui nous paraît l'évidence. Après tout, est-ce que le roman de chevalerie est aussi naturel, est aussi essentiel qu'il y paraît au monde littéraire du Moyen-Âge? Je ne pense pas seulement ici aux romans qui sont à la limite de la géographie, mettons Guillaume d'Angleterre, qui lui n'est sûrement pas de Chrétien de Troyes, et sur lequel l'influence d'Apollonius est probable, ou à ces romans que Mira Lodborodin proposait de ranger dans cette catégorie un peu floue, mais sur laquelle on va réfléchir bientôt, de romans idylliques, ou bien aux romans dits à tort, encore plus à tort, réalistes, comme ceux de Jean Renard. Mais si on regarde, donc, je ne parle même pas des franges, des marges du roman médiéval, mais si on regarde le centre, le père du roman d'aventure chevaleresque, l'inventeur de cette figure impossible qu'est la figure du chevalier errant, c'est Chrétien de Troyes. Or, lequel des romans de Chrétien donne de la chevalerie une image sans ombre? Lequel propose la chevalerie comme modèle absolu? Aucun. Seuls ces épigones, et ces épigones les plus besogneux, l'exalteront sans réticence, feront de Gauvin, modèle de toute chevalerie, en même temps le héros chevaleresque. Le héros du roman. Les grandes œuvres s'en gardent bien. Le grand cycle du Lancelot Graal s'achève, comme chacun sait, par le naufrage spirituel de la chevalerie terrienne, comme il dit, dans la quête du Saint Graal, et par son naufrage matériel dans la mort le roi Arthur. Le Moyen-Âge se figure les combattants de la guerre de Troie ou les héros de la légende thébaine comme des chevaliers. Il place Hector et Alexandre au nombre des neuf preux. Mais, à l'inverse, ces livres que Chrétien de Troyes dit avoir compulsé, qui lui ont appris que Grèce eut de chevalerie le premier los, le premier éloge, et de clergy, ces livres ont pu lui apprendre aussi que la chevalerie n'est pas le dernier mot de l'aventure humaine. D'un côté, on fait d'Apollonius un chevalier, on ne peut pas faire autrement. Mais d'un autre côté, on s'attache à des personnages comme Apollonius ou comme Tristan qui ne sont pas vraiment des chevaliers. Et une sorte de parfum léger qui est venu lointainement de l'Antiquité grecque finissante imprègne peut-être plus que nous avons tendance à le croire le roman médiéval. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Briffaut. Présentation Christine Goémé. Da Radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. France Culture à l'heure d'été, pendant 5 semaines, chacune d'elles sera l'occasion cette année de mettre au centre d'un questionnement un thème, un homme, une pensée en acte, chaque jour décliné à travers 3 rendez-vous. Les archives à 9h05, le débat à 14h30 et le documentaire à 22h30. L'été 2005 nous permettra de découvrir ou approfondir notre connaissance de Paul Claudel du 25 au 29 juillet. La seconde semaine sera consacrée à Hiroshima. Du 8 au 12 août, une semaine tout entière dévolue à Emmanuel Lévinas. Les 50 ans de Terre humaine à partir du 15 août. Enfin, pour clore l'été, Elias Canetti, du 22 au 26 août. Bonjour. Écoutez. Paul Claudel, Hiroshima, Emmanuel Lévinas, les 50 ans de Terre humaine et Elias Canetti. 5 semaines thématiques à travers 3 rendez-vous chaque jour de la semaine à 9h05, 14h30 et 22h30 du 25 juillet au 26 août. C'est l'été. Archive en multidiffusion à 17h. Pour en savoir un petit peu plus, franceculture.com. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Tu ne sais pas produire le silence dans une salle. Quelque chose, évidemment, dans le subjectif du public sera mécontent. La fiction, autrement, la fiction s'invite sur franceculture.com. Présentation et coulisses, le making-of multimédia, gros plans et portraits, dates et rendez-vous, forum de discussion. La fiction se croque à la carte et selon vos envies sur franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance. Toute cette semaine, on rendu hommage à Claude Métra, producteur pendant de longues années à France Culture, qui nous a quittés récemment, et ont donné à réentendre un documentaire qu'il avait réalisé en 1971, Les Demeures d'Albert Durer. Dernier volet de la série, Mélancolie. 11h, fiction, feuilleton, les nouvelles confessions de William Boyd, et aujourd'hui, attention, c'est le dernier épisode, fin des aventures de John James Todd et de sa traversée du siècle. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire revient sur la nouvelle cuisine.